Chaque matin sur Rust, c'est un miracle. Pas d'alliés garantis, pas de lendemain écrit, mais chaque jour, Ride Scale se relève et sourit à l'acier. Les bases brûlent, les coffres se vident, mais tant que je respire, je construis encore, pas pour dominer, pour célébrer la beauté d'un toit qui tient malgré les tirs. Who rises when the sky is red? Ride a scale, forge ahead. Who builds when all have fled? Ride a scale, steel and thread. J'ai plus compté mes respons, mais chaque mort m'a appris à mieux vivre. Rust, c'est pas que la haine, c'est le jeu de la mémoire, j'y joue avec foi. Who stands when hope runs low? Ride a scale. Tu peux perdre un fusil, un skin, une base, un zère. Mais si t'as encore la foi, t'as gagné plus que tout. Moi, j'ai choisi que toi, en l'invisible, victoire. Ils m'ont vu seul, mais j'ai jamais été solitaire. J'ai mes souvenirs, mon courage et ce feu dans le cœur qu'aucune roquette n'éteint. Who shines through grief and dust? Rider scale, in him we trust. Who leads with soul and rust? Rider scale, rise he must. Et même si tout retombe un jour, moi je continue de chanter sous la rouille, parce que chaque note, chaque pas, c'est une victoire contre l'oubli.